Chapitre 14. Qui êtes-vous? Vous êtes un adventiste du septième jour. Vous êtes peut-être né dans un foyer adventiste, êtes allé dans une école adventiste et avez été un adventiste toute votre vie. Peut-être que vous avez découvert l'église adventiste à un âge avancé et avez abandonné l'église de votre enfance pour entrer dans cette nouvelle communauté. Peut-être n'êtes-vous adventiste que depuis peu. Vous êtes un adventiste du septième jour. Vous n'êtes pas catholique, ni baptiste, épiscopalien ou méthodiste. Vous n'êtes pas membre de la communauté juive, de l'Assemblée de Dieu ou de l'Église des Saints des Derniers Jours. Vous n'êtes ni musulman, ni hindou, ni bouddhiste. Vous n'êtes ni athée, ni agnostique ou déiste. Vous êtes un adventiste du septième jour. En tant que tel, vous appartenez à une Église qui est comme les autres, mais dans des domaines importants très différentes de toute autre. Quelle autre église croit comme la vôtre à la signification de 1844? Où ailleurs entendez-vous parler du sanctuaire céleste et de l'instruction du jugement ou du grand conflit? Et seuls quelques autres chrétiens croient au sabbat du septième jour, au don de prophétie en leur sein ou à l'inconscience des morts. Vous êtes un adventiste du septième jour. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Que ressentez-vous à l'idée d'être un adventiste? Dans le long programme télévisé pour enfants Sesame Street, le personnage de Kermit la grenouille chante un chant intitulé « Il n'est pas facile d'être verte », au moins quand vous êtes la seule à l'être. Être différent peut conduire au ridicule, à l'embarras et à la pression des autres pour qu'on se conforme aux valeurs du groupe. Et parfois, être adventiste peut avoir été et peut-être encore pas facile pour vous. Priez dans un restaurant, commandez un repas végétarien alors que vous êtes le seul à le faire. Rencontrer des objections pour pouvoir observer le sabbat. Tenter d'expliquer le rôle d'Ellen White et les principes de votre église aux autres sans être pris pour un membre d'une secte. Vous êtes un adventiste du septième jour. En tant que tel, vous avez toutes les raisons d'être fier de l'être. Non de façon orgueilleuse ou arrogante, mais parce que vous appartenez à quelque chose d'unique et essentiel que Dieu a créé. Vous avez toutes les raisons de partager avec d'autres ce que vous croyez sans en être gêné. Qu'est-ce que cela signifie que d'être un adventiste du septième jour? Prenez en considération quelques-unes des nombreuses réponses possibles à cette question. 1. Être un adventiste du septième jour signifie que vous faites partie d'un mouvement que Dieu a annoncé dans sa parole il y a des milliers d'années et qui devait apparaître exactement tel qu'il est, croire exactement ce qu'il croit et avoir de claires marques d'identité telles qu'il les a. Cela veut dire que vous faites partie d'un peuple qui a été prophétisé, le reste, qui devait surgir à la fin des 2300 ans et des 1260 ans de la prophétie. 2. Être un adventiste du septième jour signifie que, quels que soient les éléments que les services d'information internationaux estiment importants, vous participez à ce que Dieu pense être important maintenant au début du troisième millénaire. Vous participez à son système de communication pour transmettre les messages les plus urgents et les derniers que Dieu ait jamais envoyés à cette planète. Vous êtes sa voix. Et votre vie est la démonstration auprès de ceux qui vous entourent que l'amour et la vérité de Dieu sont capables de transformer et que le retour de Jésus est imminent. 3. Être un adventiste du septième jour signifie que vous êtes conscient que Dieu aime assez cette Église pour lui accorder des avantages spirituels, dont le don de prophétie. Un don qui a passé avec succès les tests que la Bible fournit pour distinguer le don véritable du faux. 4. Être un adventiste du septième jour signifie que vous participez à un mouvement engagé à restaurer une vue d'ensemble complète de vérités divines à ce monde. Les vérités redécouvertes par la réforme, oui, mais bien d'autres vérités essentielles et uniques pour les derniers jours qui doivent aider hommes et femmes à se préparer pour le retour de Jésus. 5. Être un adventiste du septième jour signifie que vous avez le merveilleux avantage de savoir comment vous maintenir en bonne santé, être heureux et oui, aussi sain que Dieu désire que vous soyez. 6. Être un adventiste du septième jour signifie que vous avez une toute nouvelle façon de considérer la loi de Dieu, ses commandements. Vous ne les voyez pas comme une interdiction vous poussant à renier tout plaisir et à vous plonger dans une intolérable privation, mais comme des directives d'amour de Dieu sur la façon d'éviter la souffrance, la perte et finalement la mort. Être un adventiste du septième jour signifie être libéré de devoir obéir à ce que la Bible dit parce que vous devez le faire, pour découvrir la joie de suivre la voie de Dieu parce que vous le voulez. 7. Être un adventiste du septième jour, c'est faire l'expérience de la justification par la foi. Votre perception adventiste écarte la grâce à bon marché d'une part et le légalisme d'autre part. Elle écarte toute ambivalence entre ce que Dieu a fait pour vous et ce que Dieu veut faire en vous. 8. Être un adventiste du septième jour signifie que, à la différence d'autres groupes qui pratiquent leur religion machinalement et ont oublié depuis longtemps pourquoi ils existent, vous savez pourquoi votre Église existe. Votre Église est là pour une raison. Vous savez qu'elle a une mission qui est unique dans l'histoire du monde. Une œuvre si importante qu'à la fin, la terre entière aura entendu les messages des trois anges de l'Apocalypse associés au message de l'amour de Dieu des évangiles du Nouveau Testament. 9. Être un adventiste du septième jour signifie que vous n'êtes pas membre d'une église mourante ou même d'une église qui fait juste du surplace. Vous êtes membre d'une église dynamique, d'un mouvement qui croît rapidement au point d'émerveiller ceux qui étudient la croissance des églises. 10. Être un adventiste du septième jour signifie que vous n'êtes pas membre d'une quelconque petite secte régionale. Vous n'êtes pas une filiale de quiconque. Vous faites partie d'un mouvement mondial connu non seulement pour sa croissance, mais pour ses programmes éducatifs, médicaux et humanitaires. 11. Être un adventiste du septième jour signifie que votre Église a établi ses priorités. Elle n'est jamais entrée en politique et ne le fera jamais, ni dans les théories du Nouvel Âge et de la psychologie de l'autosuffisance. Votre Église ne voit pas sa mission comme étant de légiférer en matière de morale, mais d'élever le seul qui peut créer un code moral intérieur. Votre Église n'a pas besoin de se réinventer de façon répétitive. Elle n'a pas changé son produit. Elle n'en a qu'un, Jésus-Christ. 12. Être un adventiste du septième jour signifie comprendre comment votre Église et vous-même vous vous inscrivez dans l'ensemble du grand conflit qui dure entre le bien et le mal, entre Christ et Satan. Vous êtes les derniers des fidèles, les derniers chaînons de la chaîne ininterrompue des véritables partisans de Dieu à travers l'histoire. Vous êtes rattachés à tous les fidèles du passé, les patriarches et les prophètes, Israël, le peuple élu, les apôtres et les croyants de l'Église primitive, les martyrs des premiers siècles, les fidèles du Moyen-Âge, les hardis réformateurs de la Réforme, les énergiques étudiants de la Bible du mouvement adventiste, les pionniers de votre propre Église. Vous n'êtes pas seul. Vous prenez position véritablement, hardiment, fièrement, indéfectiblement pour le Dieu qui a donné son Fils unique pour vous. Vous faites partie de l'indispensable dernier peuple de Dieu qui sait l'urgence du peu de temps qui reste pour faire connaître à beaucoup leur Sauveur et sa vérité. Vous êtes l'un des messagers du reste qui sait comment sortir vivant de ce monde et qui a la mission et le privilège de le faire savoir aux autres. Vous êtes un adventiste du septième jour. Vous êtes l'un des derniers élus de Dieu. Embarrassé, timide, prêt à cacher votre particulière et unique lumière sous un boisseau, considérez plutôt que le monde a désespérément besoin de ce que vous avez. De très nombreuses personnes sont à la recherche de ce que vous avez trouvé. Vous n'êtes pas bizarre. Vous êtes celui qui possède le pain que votre compagnon mendiant dans ce monde a urgemment besoin. Vous n'êtes pas étrange. Vous êtes celui qui possède la carte au trésor. Avez-vous peur? Peur alors que vous regardez l'histoire de ceux qui vous ont précédé? Peur d'être aussi persécuté? Peur de devoir traverser le grand temps de trouble? Bien, mis à part les promesses de la Bible selon lesquelles le pain et l'eau vous seront assurés, et mis à part les magnifiques promesses du psaume 91, rappelez-vous quelque chose d'autre. Dieu sait qui sera capable d'endurer non seulement la persécution, mais, si nécessaire, la mort en martyr. Il ne vous appellera pas cela sans vous accorder ce qu'il a accordé aux persécutés des siècles passés. Ainsi, attachez-vous à ses promesses vous appelant à ne pas craindre. Il ne veut qu'aucun d'entre nous vive dans la crainte et l'effroi. Considérez plutôt, dans une anticipation joyeuse, la fin proche de cette vie de misère. Célébrez la fin imminente de la souffrance, des larmes et de la mort. Préparez-vous à abandonner la terre pour une éternité de paix parfaite, de bonheur et d'accomplissement de tous vos désirs. Vous êtes un adventiste du septième jour. Vous êtes un des derniers fidèles. Vous faites partie d'une chaîne ininterrompue de fidèles. À quel point pouvez-vous être bienheureux et chanceux? À toutes les époques, Dieu a toujours eu un peuple qui lui a été fidèle, les appelés et les élus, et il dispose encore d'un peuple particulier aujourd'hui.